الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. Toujours dans la traduction du livre تيسير العلام شرح عمدة الأحكام de un livre de l'imam عبد الغني المقدسي رحمه الله une explication de الشيخ عبد الله البسام رحمه الله تعالى. La semaine dernière on avait lu et expliqué le 127e hadith, qui est le hadith de Aïcha radiallahu ta'ala anha, qui se propose de nous le réciter. Fadal Saïd. قال انظروا الى هذه انظروا الى هذه اذهبوا الى هذه بخميصتي هذه الى ابي جهل واتوني نعم توني ب ان بجانيتي ابي جهم فانها الهتني انفا نعم رواه حسن مكروه. ثم قال المؤلف باب الجمع بين الصلاتين في السفر chapitre du rassemblement de deux prières en voyage. لما كان السفر مظنة المشقة رخص فيه الشارع بعض الرخص في العبادات تيسيرا على عباده ورحمة بهم ومن تلك الرخص إباحة الجمع للمسافر الذي ربما أدركه وقت الصلاة وهو جاد في سفره فأبيح له أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت إحداهما وبين صلاتي المغرب والعشاء في وقت إحداهما أيضا وهذا كله من سماحة الشريعة المحمدية ويسرها وهو فضل من الله لأن لا يجعل علينا في الدين من حرج. الشيخ البسام رحمه الله تعالى دي parce que le voyage comporte des difficultés, le législateur a donné des dérogations dans certaines adorations. Ceci pour faciliter à ses serviteurs et en guise de miséricorde vis-à-vis d'eux. Et parmi ces dérogations, l'autorisation pour le voyageur de rassembler, c'est-à-dire des prières, car l'heure de la prière peut arriver alors que ce voyageur est en train de se déplacer et en plein voyage. Ainsi, il lui est autorisé de rassembler entre les deux prières de l'Asr et les deux prières de Dhuhr et de l'Asr dans l'une d'entre elles, à l'heure de l'une d'entre elles, et de rassembler les prières de l'Maghrib et de l'Isha à l'heure de l'une d'entre elles. Et tout ceci fait partie de la noblesse de cette législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ceci montre sa facilité et c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous afin que nous ne connaissions pas de contraintes dans cette religion. Al hadith al-thamin wa al-ishroun ba'da al-mi'ah, le 128e hadith. An Abdillah ibn Abbas radiyallahu anhuma qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء رواه البخاري تعليقا ومسلم. Le 128e hadith est le hadith de Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rassemblait entre Dhuhr et l'Asr lorsqu'il était en train de voyager, c'est-à-dire lorsqu'il se déplaçait. Et il rassemblait également entre le Maghrib et l'Isha, hadith rapporté par Al-Bukhari, ta'liqan, et par Muslim. Que signifie rapporté par Al-Bukhari, ta'liqan? Qui sait? Un hadith mu'allaq de l'imam Al-Bukhari, c'est un hadith dans lequel il ne cite pas, dans un souci d'abréviation, tous les rapporteurs du Sanad. Il peut par exemple ne pas citer un cheikh, mais citer son élève, et jusqu'à la fin du hadith. Et pour vous donner un exemple, un Sanad de l'imam al-Bukhari qui rapporterait en disant Haddathana يحدث عن شيخ إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن نافع عن ابن عمر. Donc l'imam al-Bukhari, s'il dit حدثنا إسماعيل بن أبي أويس, qui est un des shuyukh de l'imam al-Bukhari, qui rapporte de Malik, qui rapporte de Nafi, qui rapporte de Abdullah ibn Umar, qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien ce sanad est muttasil, c'est-à-dire que il commence de l'imam al-Bukhari et finit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si par exemple l'imam al-Bukhari dit wa qala malikun an nafi'an ibn Umar, et Malik a dit selon Nafi', selon Abdullah ibn Umar, autrement dit il n'a pas cité son cheikh Ismail ibn Abi Ouais. Eh bien, les savants disent que ce hadith est mu'allaq. C'est la définition du hadith mu'allaq. Ensuite, il y a le hadith mu'allaq de l'imam Bukhari qui est de deux sortes. Il y a al-mu'allaq bi sighati al-jazm wa mu'allaq bi sighati al-tamrid. Soit l'imam Bukhari dit qala Malik 'an Nafi 'an Ibn 'Umar. Malik a dit selon Nafi'a sur Abdullah ibn Umar, donc ici, l'imam Bukhari atteste que Malik a dit. Et il peut dire Rouya, ou Qila, Qila, ou Rouya, an Malik, an Nafi'a, an Ibn Umar. Il a été rapporté de l'imam Malik selon Nafi'a, selon Ibn Umar. Donc là, dans le premier cas, ce que les savants appellent al-mu'allaq bi sighati al-jazm, c'est-à-dire qu'il atteste que l'imam Malik a dit, et dans l'autre, il est rapporté, c'est-à-dire qu'il ne l'atteste pas de façon formelle. À kulli hal, ensuite, il y a tout un processus à suivre concernant le hadith mu'allaq de l'imam al-Bukhari. Et il y a un livre de l'imam al-Hafiz ibn Hajar qui est réputé chez les savants du hadith pour connaître parfaitement mu'allaqat l'imam al-Bukhari. Il faut tout d'abord voir si ce hadith rapporté dans le Bukhari ici qui est mu'allaq, est-ce qu'il n'est pas muttasil dans un autre endroit de son sahih, car l'imam Bukhari rahimahullah rapporte plusieurs hadiths qui sont identiques dans plusieurs endroits de son livre, car dans un hadith il peut y avoir des preuves de plusieurs sujets. Ainsi il cite le hadith dans tel chapitre, l'autre hadith dans tel chapitre, l'autre hadith dans tel chapitre. Il peut citer dans ce chapitre le sanad entièrement, mais dans l'autre il va le citer en ne citant par exemple, en enlevant par exemple son cheikh, d'accord, pour une raison que l'imam Bukhari avait. Ainsi il y a toute une étude à faire, une recherche pour voir déjà s'il n'y a pas dans le sahih de l'imam Bukhari le même hadith rapporté dans un autre endroit, mais cette fois-ci de façon complète. Si on ne trouve pas, en ce cas revenir au livre des savants qui ont écrit, parmi eux Al-Hafidh ibn Hajar, pour voir si ce hadith qui est mu'allaq n'est pas muttasil dans un autre endroit. À kulli hal, c'était juste une remarque concernant le hadith al-mu'allaq de l'imam al-Bukhari. Al-ma'na al-ijmali. Kana min 'adati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam idha sara wa jadda bihi as-sayr fi safarihi al-jam'u bayna adh-dhuhri wal-'asr. إما تقديما أو تأخيرا، والجمع بين المغرب والعشاء إما تقديما أو تأخيرا، يراعي في ذلك الأرفق به وبمن معه من المسافرين، فيكون سفره سببا في جمع الصلاتين في وقت إحداهما، لأن الوقت سار وقتا للصلاتين كليهما. Le sens général du hadith. Il était de l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voyageait et lorsqu'il était en cours de déplacement dans son voyage, de rassembler entre les prières de Dhuhr et Al-Asr, soit en avançant, soit en reculant. Soit en priant Al-Asr à l'heure de Dhuhr, ou en reculant lors de Dhuhr à l'heure de Al-Asr. Et de rassembler également entre les prières de Al-Maghrib et Al-Isha, pareil, soit en avançant, c'est-à-dire Al-Isha à l'heure du Maghrib, ou soit en reculant, c'est-à-dire de prier Al-Maghrib à l'heure de Al-Isha. Et il choisissait dans cela ce qu'il y avait de plus simple pour lui et pour ceux qui l'accompagnaient parmi les voyageurs. Ainsi, son voyage était la cause de son rassemblement des prières à l'heure de l'une d'entre elles. لأن الوقت صار وقتا للصلاتين كليهما car l'heure pour le voyageur est l'heure pour les deux prières à la fois. Donc lorsque le voyageur prie le maghrib à l'heure de l'isha, pour le voyageur il a prié le maghrib à son heure. D'accord ? Il a prié le maghrib à son heure. اختلاف العلماء اختلف العلماء في الجمع فذهب كثير من الصحابة والتابعين إلى جواز الجمع تقديما أو تأخيرا وهو مذهب الشافعي وأحمد والثوري مستدلين بأحاديث عن ابن عباس وابن عمر ومنها حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر صلاة الظهر حتى يجمعهما إلى العصر يصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب يصليهما مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب يعجل العشاء فصلاها مع المغرب رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه بعض الأئمة وصحح بعض الأئمة هذا الحديث وتكلم فيه بعضهم الآخر وأصله في مسلم بدون جمع التقديم. La divergence des savants, les savants ont divergé sur le rassemblement des prières. La majorité des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des tabi'in sont de l'avis qu'il est autorisé de rassembler les prières. Donc ici on parle bien du Dhuhr et l'Asr et le Maghrib et l'Isha pour le voyageur, et on verra par la suite que cela ne concerne pas uniquement le voyageur. Et c'est l'avis de l'imam Shafi'i, de l'imam Ahmed et de l'imam Thawri, et ils ont pour preuve des hadiths, parmi ces hadiths, le hadith d'Abdullah ibn Abbas, que l'on explique actuellement, le hadith d'Abdullah ibn Omar, que l'on verra par la suite, et le hadith de Mu'ad ibn Jabal, qui raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voyageait avant que le soleil ne dépasse son zénith, il reculait l'heure de Dhuhr jusqu'à la rassembler avec l'Asr, puis les prier ensemble. Et lorsqu'il partait après que le soleil ait dépassé son zénith, il priait Dhuhr et l'Asr ensemble, puis partait. Et lorsqu'il partait avant le Maghrib, il retardait le Maghrib jusqu'à prier avec l'Isha. Et lorsqu'il partait après le Maghrib, lorsqu'il partait après l'heure du Maghrib, il avançait à l'Isha pour la prier avec l'heure du Maghrib. Hadith rapporté par Ahmed, Abu Daoud et le même Tirmidhi, authentifié par certains savants, et d'autres ont parlé sur sa chaîne de transmission, mais la base de ce hadith est rapportée par Muslim sans le fait de citer le fait de rassembler la prière avant. Et c'est un hadith, entre autres, authentifié par Cheikh l'Albani, rahimahullah ta'ala. وذهب أبو حنيفة وصاحباه والحسن والنخعي إلى عدم جواز الجمع، فتأولوا حديث الجمع بأنه جمع صوري، وصفته عندهم أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها فيصليها، ثم يصلي بعدها العصر في أول وقتها، وكذلك المغرب والعشاء. الإمام أبو حنيفة et ses deux compagnons et Al-Hassan et l'imam Al-Nakhai ont pour avis qu'il n'est pas autorisé de rassembler les prières, et ils ont interprété les hadiths qui prouvent le fait de rassembler les prières en disant que c'est un jam, que c'est un rassemblement souri, c'est un rassemblement sans en être un. Et ils le décrivent en disant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un rassemblement sans en être un ? Ils disent que c'est le fait de retarder la prière de Dhuhr jusqu'à la fin de son heure et de la prier, et de prier la prière de Dhuhr à la fin de son heure, puis de prier Al-Asr au début de son heure. Donc celui qui voit, il a l'impression que c'est un rassemblement, mais en fin de compte, chaque prière a été priée à son heure, Dhuhr à la fin de son heure et l'Asr au début. Donc les prières se succèdent, mais chacune est accomplie à son heure. Et pareil pour le Maghrib ou l'Isha. Donc eux, ils disent, les Abu Hanifa et les autres savants cités, disent que c'est ainsi qu'il faut faire le rassemblement. Et c'est ça le rassemblement qui est voulu. وَهَذَا تَعَسُّفٌ وَخِلَافُ الْمَفْهُومِ مِنْ لَفْضِ الْجَمْعِ الذي معناه جعل الصلاتين في وقت إحداهما، ويعكر عليه أيضا ثبوت جمع التقديم وهو ينافي هذه الطرق في التأويل. وذكر الخطابي وابن عبد البر أن الجمع رخصة، أن الجمع رخصة، والإتيان بالصلاتين إحداهما في آخر وقتها والثانية في أول وقتها فيه ضيق، إذ لا يدركه أكثر الخاصة. فما رأيك بالعامة؟ Et l'imam Al-Bassam, Abdullah Al-Bassam, rahimahullah, dit, et ceci est contraire, c'est-à-dire l'avis de l'imam Abu Hanifa et des autres savants cités, est contraire à ce que veut dire le terme jam, le terme rassemblement, qui a pour signification de rassembler deux prières à l'heure de l'une d'entre elles. C'est ça la définition de l'jam. Alors ce que l'on dit rassemblement des prières, c'est-à-dire de rassembler deux prières à l'heure de l'une d'entre elles. Et ce qui rend encore plus trouble cet avis, c'est le fait qu'il a été rapporté dans la sunna, jam'u taqdim, le fait de rassembler une prière en avançant celle-ci, comme de prier al-asr à l'heure de dhuhr. Comment expliquer cela en prenant l'avis de ceux qui disent que ce n'est pas un rassemblement, mais c'est deux prières qui se succèdent, chacune priée à son heure, comme l'exemple que nous avons donné pour Dhuhr et l'Asr. Mais souvent disent oui, mais dans les hadiths, il y a la preuve des prières qui ont été avancées, de prier l'Asr à l'heure de Dhuhr. Ça veut dire que l'Asr n'est plus prié à son heure, mais elle est priée à l'heure de Dhuhr. Comment rassembler ce hadith avec cette façon de comprendre? Donc cela vient prouver que cet avis n'est pas fort et contredit des hadiths clairs. L'imam al-Khattab et Abdullah ibn et l'imam ibn Abd al-Barr ont dit que le rassemblement est une dérogation. Et le fait de rassembler, de faire deux prières chacune à son heure, la première à la fin de son heure et la seconde au début de son heure, que ceci serait une contrainte, premièrement, et c'est quelque chose que Al-Khassa, comment traduire Al-Khassa, yani que les savants ont du mal à concevoir, comment la masse des musulmans pourrait-il le concevoir? Al-jam'a sawri, comme je l'ai expliqué, yani la masse des gens ne le comprendrait pas. Comment déjà pourrait-il le comprendre et ensuite le mettre en pratique. D'accord? Et cette religion est une religion à la base qui est simple. Et nous, la définition des savants est que rassembler deux prières, c'est de faire les deux prières à l'une d'entre elles. Soit tu pries à l'heure de Dhuhr, soit tu pries à l'heure de l'As. Et cela est compris de chacun. Et il y a, bien sûr, énormément de hadith qui viennent appuyer cela. وذهب ابن حزم رواية عن مالك أنه يجوز جمع التأخير دون التقديم وأجاب عن الأحاديث بما قاله بعض العلماء من المقال فيها. Et l'imam ibn Hazm, c'est une version de l'imam Malik, dit qu'il est autorisé de faire le rassemblement, mais uniquement en retardant la prière, non pas en l'avançant. Si on prend l'exemple de Dhuhr et l'Asr, de faire Dhuhr à l'heure de l'Asr, mais de ne pas faire l'Asr à l'heure de Dhuhr. Ils ont répondu aux autres hadiths par des paroles sur le fait que certains savants ont parlé sur l'authenticité de ces hadiths, c'est-à-dire qui attestent le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait avancé les deux prières à l'heure de celle qui était la plus proche. واختلفوا ايضا في ختم الجمع فذهب الشافعي واحمد الجمهور الى ان السفر سبب في جمع التقديم والتاخير وهو روايه عن مالك وذهب مالك في المشهور عنه الى اختصاص الجمع بوقت الحاجه وهي اذا جد به السير اختارها شيخ الاسلام ابن تيميه وقوى ذلك ابن القيم في الهدي وقال الباجي كراهة مالك للجمع خشية أن يفعله من يقدر عليه دون مشقة وأما إباحته إذا جد به السير فإذا جد به السفر فلحديث ابن عمر. Également, ils ont divergé sur le fait de rassembler. L'imam Shafi'i, l'imam Ahmed et la majorité des savants disent que le voyage permet à la fois de faire le jam' taqdim et ta'khir. C'est une version de l'imam Malik. Et l'imam Malik, dans l'avis qui est le plus connu de lui, dit que le jam', que le rassemblement se fait lorsqu'il y a un besoin, c'est-à-dire lorsque la personne se déplace. Lorsque la personne se déplace dans le voyage. Car un voyageur, est-ce qu'il se déplace forcément? Oui ou non? Pas forcément. Il peut se déplacer, rester dans un endroit un jour, deux jours, trois jours, puis repartir vers un autre endroit. Donc, ici, l'imam Malik, et c'est aussi l'avis de Cheikh l'Islam Tami et l'avis de l'imam Ibn Qayyim, disent que tu rassembles lorsque tu te déplaces. Lorsque tu es un voyageur qui se déplace, mais lorsque tu t'arrêtes dans un endroit, eh bien là tu ne rassembles plus. Et c'est ce qu'a détesté l'imam Malik, rahimahullah. Pourquoi est-ce qu'il a considéré cela détestable, le fait de rassembler pour celui qui ne se déplace pas, car il dit que rassemblerait la prière celui qui a la possibilité de ne pas le faire, et celui qui ne ressent pas de gêne dans son voyage. Et il a pour preuve le hadith de Abdullah ibn Umar que l'on va citer par la suite. وذهب أبو حنيفة إلى عدم جواز الجمع إلا في عرفة ومزدلفة للنسك لا للسفر. L'imam Abu Hanifa, rahimahullah, lui autorise le rassemblement uniquement lors du jour de Arafah et de Muzdalifah. Et il autorise le rassemblement parce que cela fait partie du rite et non pas parce que c'est un voyage. Et on a vu que l'imam Abu Hanifa ne considère pas le rassemblement comme autorisé sauf al-jam'u suri, sauf le rassemblement qui en réalité n'en est pas un. Le fait de retarder la première prière à la fin de son heure et la seconde au début de celle-ci. واستدل الجمهور بأحاديث الجمع المطلقة عن تقييد السفر بنازل أو جاد في السير ومنها ما جاء في الموطأ عن معاذ بن جبل من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة يوما في غزوة تبوك، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء. قال ابن عبد البر: هذا الحديث ثابت الإسناد. وذكر الشافعي في الأم وابن عبد البر والباجي أن دخوله وخروجه صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا وهو نازل غير جاد في السفر. وفي هذا رد قاطع على من قال لا يجمع إلا من جد به السفر. La preuve de la majorité des savants qui disent que l'on rassemble les prières que l'on soit en voyage, que tu te déplaces pendant ton voyage ou que tu ne te déplaces pas, dans les deux cas, tu as le droit de rassembler. On a vu que la majorité des savants également, et que le rassemblement, il est autorisé de le faire avant comme il est autorisé de le faire après. C'est-à-dire, il est autorisé d'avancer comme il est autorisé de reculer ou de repousser. Ils ont pour preuve le hadith de Mu'ad ibn Jabal rapporté par le Muwatta de l'imam Malik rahimahullah. Mu'ad ibn Jabal qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour où il y a eu la bataille de Tabouk, est sorti, puis a prié Dhuhr et l'Asr ensemble, puis est entré, puis est ressorti et a prié Al-Maghrib et Al-Isha. Et on avait vu dans d'autres hadiths, notamment dans l'explication du livre Al-Wajiz, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentrait et sortait d'où ? De sa tente qui avait été bâtie. Et quelqu'un qui est sous une tente, c'est quelqu'un qui ne se déplace pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti, entré, il est sorti pour prier Dhuhr et l'As, les rassembler, puis il est re-rentré dans sa tente, il en est ressorti pour prier Al-Maghrib et Al-Isha. Donc le prophète Hassan ici a rassemblé les prières alors qu'il n'était pas en train de se déplacer. Qal ibn Abd al-Barr, l'imam ibn Abd al-Barr a dit que ce hadith est authentique, et l'imam Shafi'i et l'imam ibn Abd al-Barr et al-Baji ont dit que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre et sorte, cela ne peut se faire que lorsqu'il est stationné et non pas lorsqu'il se déplace. Et ceci est une réponse claire à ceux qui disent que l'on ne rassemble que lorsque l'on se déplace. Amma dalil al-imam Malik wa Sheikh al-Islam wa Ibn al-Qayyim fa hadith Ibn Umar annahu kana idha jadda bihi as-sayr جمع بين المغرب والعشاء ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بينهما. Et la preuve de l'imam Malik, de Cheikh l'Islam et de l'imam Ibn Qayyim رحمهم الله, ils ont pourquoi le hadith d'Abdullah ibn Umar dans lequel il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il se déplaçait dans son voyage, rassemblait entre Al-Maghrib et Al-Isha. Et c'est un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, entre autres. ولكن عند الجمهور زيادة دلالة في أحاديثها يحسن قبولها ولأن السفر موطن مشقة في النزول والسير ولأن رخصة الجمع ما جعلت إلا للتسهيل فيه. وابن القيم في الهدي أي في زاد المعاد في هدي خير العباد جعل حديث معاد ونحوه من أدلته على أن رخصة الجمع لا تكون إلا في وقت الجد في السير. أما رأي أبي حنيفة مردود بالسنن الصحيحة الصريحة. Et la majorité des savants répondent à ceux qui utilisent le hadith de Abdullah ibn Umar pour dire que dans le hadith d'Abdullah ibn Umar, il y a un plus d'informations que l'on accepte. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rassemble le Maghrib et l'Isha lorsqu'il se déplaçait, cela est une information supplémentaire, mais ça ne veut pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le faisait que dans ce cas-là. Au contraire, cela prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait à la fois quand il était résident dans le hadith de Mu'ad et quand il était en déplacement dans le hadith de Abdullah ibn Umar. Et ils disent également que le voyage dans sa globalité comporte des contraintes, que la personne soit stationnée ou qu'elle soit en déplacement. Dans tous les cas, le voyage est contraignant et la dérogation de rassembler les prières est présente car le but de cette dérogation est de faciliter la condition du voyageur. Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, utilise aussi le hadith de Mu'ad ibn Jabal pour prouver que cette dérogation ne pouvait être prise que lorsqu'il y avait un déplacement. Il faudrait retourner au livre de l'imam al-Qayyim Zadul Ma'ad pour voir précisément en quoi le hadith de Mu'ad est une preuve que l'on rassemble lorsque l'on se déplace. Je le note, Inch'Allah, je regarderai dans les détails. فوائد الأولى ما ذكره المؤلف في الجمع لأجل السفر وهناك أعذار غير السفر تبيح الجمع منها المطر فقد روى البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة رواه البخاري وخص الجمع هنا بالمغرب والعشاء فقد دون الظهر والعصر وجوزه جماعة منهم الإمام أحمد وأصحابه. Puis, Cheikh al-Bassam, rahimahullah ta'ala, fait des remarques. La première, que ce qu'a cité l'auteur du livre concernant le rassemblement des prières pour le voyage ou pendant le voyage, il y a d'autres excuses autres que le voyage qui autorisent de rassembler les prières. Parmi ces excuses, ou parmi ces situations qui le permettent, la pluie. L'imam al-Bukhari rapporte dans son Sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rassemblé entre les prières de l'Maghrib et de l'Isha dans une nuit pluvieuse. Pendant une nuit pluvieuse. Et certains ont considéré que ce n'était que les prières de l'Maghrib et de l'Isha qui pouvaient être rassemblées pour cause de pluie. Mais d'autres savants, parmi eux l'imam Ahmed, l'ont autorisé même pour al-Dhuhr et pour al-Asr. وكذلك المرض. فقد روى مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر وفي رواية من غير خوف ولا سفر وليس هناك إلا المرض. فقد جوزه كثير من العلماء منهم مالك وأحمد وإسحاق والحسن وقال به جماعة من الشافعية فمنهم الخطابي واختاره النووي في صحيح مسلم وذكر ابن تيمية أن الإمام أحمد نص على جواز الجمع للحرج وللشغل بحديث روي في ذلك وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة وهو نوع من المرض. Également la maladie est une situation qui permet aux musulmans ou qui autorise aux musulmans de rassembler entre les prières. La preuve est le hadith apporté par Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rassemblé entre les prières de Dhuhr et l'Asr et entre les prières de l'Maghrib et l'Isha sans qu'il n'y ait de peur ni de pluie. Sans qu'il n'y ait de peur ni de pluie. Hadith apporté par Muslim et autres. Et dans une version sans peur ni voyage. Et Cheikh al-Bassam dit « وَلَيْسَ هُنَاكَ إِلَّا الْمَرَضِ » Si ce n'est ni la pluie, ni la peur, ni le voyage, alors cela ne peut être que la maladie. Et beaucoup de savants l'ont autorisé, parmi eux l'imam Malik, l'imam Ahmed, Ishaq, Al-Hassan, et l'ont dit certains parmi Al-Shafi'iyya, parmi eux l'imam Al-Khattabi, et c'est un avis qu'a choisi également l'imam Al-Nawawi dans l'explication de Sahih Muslim. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a cité la parole de l'imam Ahmed qui autorise de rassembler les prières lorsqu'il y a une contrainte ou une occupation et il a utilisé un hadith rapporté à ce sujet. Et ce qui prouve également l'autorisation de rassembler les prières pendant la maladie et ce qui est rapporté comme autorisation de rassembler les prières pour al-mustahada, pour la femme qui a des... Non, mon frère ne prie pas. Naam. Des métroirs, les lochis aussi. Les lochis, c'est comme le... C'est comme les menstrues. Après, la femme ne prie pas. Mais c'est les métroiragies. Les... Naam. Naam, les hémorragies ou les métroragies. Certains les appellent métroragies, d'autres les appellent hémorragies. Alors que les hal, c'est de l'écoulement de sang qui n'est pas du sang de menstrues. Et il est autorisé à la femme qui a ces écoulements de sang de rassembler ses prières, et c'est une sorte de maladie. Une femme qui a ses hémorragies, eh bien cela est considéré comme une forme de maladie. الفائدة الثانية أن السفر الذي يباح فيه الجمع قد اختلف العلماء في تحديده فجعله الإمامان الشافعي وأحمد يومين قاصدين يعني 16 فرسخة واختار الشيخ تقي الدين أن كل ما يسمى سفرا طال أو قصر أبيح فيه الجمع وأنه لا يتقدر بمدة وقال إن نصوص الكتاب والسنة ليس فيها تفريق بين سفر طويل وسفر قصير فمن فرق بين هذا وهذا فقد فرق بين ما جمع الله بينه فرقا لا أصل له وما ذهب إليه شيخ الإسلام وهو مذهب الظاهرية ونصره صاحب المغني وقال ابن القيم في الهدي وأما ما يروى عنه من التحديد باليوم أو اليومين أو الثلاثة فلم يصح عنه منها شيء البتة. الفائدة الثالثة. Donc la deuxième remarque est que le voyage qui autorise de rassembler les prières. Quel est ce voyage qui autorise de rassembler les prières? Les savants ont divergé sur sa désignation. Al-Imaman, Al-Shafi'i et l'Imam Ahmed ont dit que c'est un voyage de deux jours, c'est-à-dire qui, dans lequel on parcourt 16 farsakh. Et le farsakh, c'est une unité de mesure qu'utilisaient les Arabes, qui correspond à 3 miles à peu près. Donc, un farsakh correspond à peu près 5,5 km. 5,5 km. Un mile, ça fait combien de kilomètres? 1,6 km. 1,6 km à peu près, multiplié par 3. 1,8, ça, t'as raison. 1,8. Multiplié par 3. 5,4, donc à peu près 5,5. Naam. Et donc, si on multiplie 5,5 par 16 farsakh, ça fait la distance connue de 88 km. On entend beaucoup 80-88 km. C'est la distance minimum qui doit être parcourue pour considérer un déplacement comme étant un voyage. Il n'y a pas de hadith, on le verra par la suite, qui définit cela de façon précise. Ce sont juste des estimations. Donc c'est l'avis de l'imam Shafi'i et de l'imam Ahmed que la distance minimum qui doit être parcourue est de 88 km à peu près. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dit lui que tout ce qui est appelé voyage, qu'il soit court ou petit, qu'il soit long ou court, eh bien autorise de rassembler les prières. Et que on ne peut pas limiter ce voyage à un temps. Et il dit, rahimahullah, que les textes dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne différencient pas entre un voyage long et un voyage court. Et celui qui différencie entre le voyage court et le voyage long a différencié entre ce qu'Allah a réuni. Il a différencié en utilisant une chose qui n'a pas de base. Et le même Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, et quant à ce qui est rapporté comme définition ou comme définition du voyage comme étant un voyage d'un jour ou de deux ou de trois, il n'y a rien d'authentique à ce sujet. الفائدة الثالثة عند جمهور العلماء أن ترك الجمع أفضل من الجمع إلا في جمعي عرفة ومزدلفة لما في ذلك من المصلحة. Troisième remarque, chez la plupart des savants, de délaisser le rassemblement est mieux que de rassembler. De délaisser le rassemblement est mieux que de rassembler, sauf dans les rassemblements de Arafah et de Al-Muzdalifah. Rassemblement de Arafah, dans lequel on rassemble Dhuhr al-Asr, et Al-Muzdalifah, dans lequel on rassemble Al-Maghrib et Al-Isha. Car il y a dans cela un immense bénéfice pour le pèlerin. Et effectivement, c'est un immense bénéfice pour le pèlerin de faire Al-Jam, de rassembler le jour de Arafah et la nuit de Al-Muzdalifah. Ma yu'khadhu min al-hadith. Awalan jawazul jam'i bayna salatay al-Dhuhr wal-Asr wa bayna salatay al-Maghrib wal-Isha. Ce qu'on retient du hadith, premièrement, l'autorisation de rassembler entre les prières de Dhuhr et l'Asr et entre les prières de l'Maghrib et de l'Isha. Thaniyan, umum al-hadith يفيد جواز التقديم والتأخير بين الصلاتين وقد دلت عليه الأدلة كما تقدم. Deuxièmement, l'ensemble des hadiths prouve l'autorisation d'avancer ou de reculer les deux prières. Et il y a beaucoup de preuves citées à ce sujet. ظاهره أنه خاص بما إذا جد به السير وتقدم الخلاف في ذلك وأدلة العلماء فيه قال ابن دقيق العيد والحديث يدل على الجمع إذا كان على ظهر سير ولولا ورود غيره من الأحاديث بالجمع في غير هذه الحالة لكان الدليل يقتضي امتناع الجمع في غيره فجواز الجمع في هذا الحديث قد علق بصفة لم يكن ليجوز إلغاؤها لكن إذا صح الجمع في حالة النزول فالعمل به أولى لقيام دليل آخر على الجواز في غير هذه الصورة أعني السير وقيام ذلك الدليل يدل على إلغاء اعتبار هذا الوصف ولا يمكن أن يعارض ذلك الدليل بالمفهوم من هذا الحديث لأن دلالة ذلك المنطوق على الجواز في تلك الصورة بخصوصها أرجح انتهى كلامه رحمه الله. Troisième chose que l'on déduit de ce hadith est que ce qui apparaît de ce hadith, et là on parle bien du hadith de Abdullah ibn Abbas qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rassemblait entre Dhuhr et l'Asr lorsqu'il voyageait. Et d'akana ala Dhuhr Seyri, c'est-à-dire lorsqu'il se déplaçait et rassemblait également entre le Maghrib et l'Aïcha. Ce qui apparaît de ce hadith est que l'autorisation de rassembler concerne celui qui se déplace. Et l'on a cité la divergence des savants à ce sujet. Puis, Cheikh al-Bassam cite une parole de l'imam de Daqiq al-Aïd, rahimahullah ta'ala. Il dit que s'il n'y avait pas d'autres hadiths qui prouveraient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rassemblait entre les prières alors qu'il était en stationnement, eh bien, ce hadith aurait été une preuve irréfutable que le rassemblement ne se ferait que lorsque l'on est en déplacement. Rabi'an, yadul al-hadith wa ghayruhu min al-ahadith anna al-jam'a yakhtassu bil-dhuhri ma'a al-'asr wal-maghribi ma'a al-'isha' wa anna al-fajra la tajma'u ila shay'in minha. Quatrièmement, ce hadith et les autres hadiths prouvent que le rassemblement est propre aux prières de Dhuhr et l'Asr et aux prières de l'Maghrib et l'Isha et que la prière de l'Fajr ne se rassemble avec aucune autre prière. C'est clair? Taïb, une question que je vous pose. Celui qui voyage le vendredi et qui prie le Jumu'ah à la mosquée, est-ce qu'il a le droit de rassembler l'Asr ou pas avec? Est-ce qu'on a le droit de rassembler l'Asr et le Jumu'ah? On a le droit de rassembler le Dhuhr et l'Asr. Est-ce qu'on a le droit de rassembler Al-Jumu'a et Al-Asr? Toutes les réponses ont été données. On dit pas, est-ce que j'ai pas dit est-ce que c'est obligatoire? J'ai dit est-ce que c'est autorisé? Et là, ce voyageur a voulu prier le Jumu'a. Non. Donc on est d'accord que si le voyageur ne prie pas le Jumu'a, cela veut dire qu'il prie le Dhuhr. Et là, il peut rassembler le Dhuhr et l'Asr. Mais là, on parle du voyageur qui a décidé de prier le Jumu'a à la mosquée. Non? Non, il prie le Jumu'a avec l'imam. Normal, de la gratte. Mais est-ce qu'il a le droit? C'est ça la question. Donc il y a trois réponses au total. Alors la réponse c'est que cela n'est pas autorisé. Parce que la prière de Jumu'a c'est une prière à part entière. Et on ne peut pas comparer Al-Jumu'a et Dhuhr. On ne peut pas comparer Al-Jumu'a et la prière de Dhuhr. Pourquoi? Parce que ça va différencier entre la prière de Dhuhr et la prière de Al-Asr. C'est pour ça que l'heure, par exemple, de Jumu'a, beaucoup de savants autorisent de faire Jumu'a avant l'heure de Dhuhr. Une divergence des savants. Certains disent non, il faut attendre que le soleil dépasse son zénith. D'autres disent non, tu as le droit de prier le Jumu'a même avant que le soleil ne dépasse de son zénith. Pourquoi? Parce que ce sont deux prières distinctes. Et c'est pareil pour le rassemblement. Ils disent qu'on rassemble entre Dhuhr et l'Asr, mais on ne rassemble pas entre Al-Jumu'a et l'Asr, parce que le Jumu'a c'est une prière à part entière, et il n'y a aucune preuve, ni dans le livre d'Allah, et ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui vient autoriser le rassemblement entre les prières de Al-Jumu'a et les prières de l'Asr. Et c'est notamment l'avis de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, et l'avis également de Cheikh Ibn Uthaymin, également. Rahimahum Allah. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.